me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment comprendre le nombre de 600 000 dans le monde biblique et dans le contexte des deux recensements du Livre des Nombres? L'armée de Yahvé est-elle à l'image de l'armée perse? Quelle est l'influence des mathématiques et de l'astronomie babylonienne? Pourquoi le rituel de la femme adultère dans le Livre des Nombres? Thomas Römer, philologue, exégète, titulaire de la chaire des milieux bibliques, nous entraîne dans une grande enquête au cœur du Livre des Nombres, dans le Pentateuque, un livre curieux qui s'avère plus intéressant qu'il n'y paraît, nous dit-il, dans le cadre de sa série intitulée « Israël dans le désert, le Livre des Nombres et l'achèvement de la Torah ». Dans sa présentation au Collège de France, cet enseignant-chercheur d'origine allemande qui se partage entre la France et la Suisse et qui a été doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne entre 1999 et 2003, s'interroge sur la signification des nombreux nombres dans ce livre un peu déroutant. Sont-ils réels, symboliques ces nombres? Y a-t-il un jeu de gématria, un jeu entre ces nombres et les mots? Ce qu'on appelle Israël à la période perse, rappelle-t-il, est une diaspora. Thomas Römer lit le texte au plus près, commente les racines des mots hébreux, énumère les hypothèses liées aux dernières recherches archéologiques, épigraphiques. Il fait dialoguer les sources à l'intérieur de la Bible, mais aussi à l'extérieur, avec les cultures babyloniennes et perses. Le philologue exégète voit dans le Livre des Nombres un pont entre la Genèse, le Lévitique et le Deutéronome. Alors que les autres livres du Pentateuque sont clos, le Livre des Nombres, lui, opère une actualisation de la loi. C'est dans ce contexte que nous découvrons en fin de cours le rituel de la femme adultère. Ce rituel se trouve intégré dans des cas d'exclusion au chapitre 5, verset 1-10, et la loi du Nazir au chapitre 6, qui traite également d'un type de personnes qui se trouvent en marge de la communauté, explique Thomas Römer. Il souligne que ce rituel, qui peut révéler dans les sociétés anciennes l'angoisse de l'homme par rapport à la paternité, ce rituel n'est pas en premier lieu un commandement d'éthique sexuelle, mais une question juridique. L'homme est propriétaire de la femme en ce temps-là. L'adultère signifie donc une atteinte contre la possession d'un autre homme. Là encore, la lecture minutieuse du texte aboutit à une série de questions dont celle-ci. Assistons-nous à la combinaison de deux rituels? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 2 mars 2017 pour la série de Thomas Römer, Israël dans le désert. Aujourd'hui, le Livre des Nombres, contenu, enjeux et compositions, suite, les deux recensements du peuple. Il faut vraiment vous imaginer Livre des Nombres comme un pont pour lier en fait les deux grands ensembles, Genèse, Exode Lévitique et le Deutéronome. Nous avons vu que le Livre des Nombres doit son nom surtout à ces deux grands recensements que nous avons au chapitre 1 et au chapitre 12. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu, est-ce que vous avez lu ce recensement? Oui. Première chose qu'il faut dire, évidemment, vous avez là d'abord la, La construction d'Israël, on peut dire, c'est assez traditionnel, puisqu'on a un peuple organisé en 12 tribus. Mais en même temps, il y a déjà une différence par rapport à des listes plus traditionnelles. Première différence, c'est que Lévi, qui, évidemment, dans la Genèse, est un des fils de Léa, il n'apparaît plus du tout dans cette liste. On parlera beaucoup des Lévites dans la suite, mais dans le comptage, du chapitre 1 et du chapitre 26, il n'y a plus de Lévi. Alors, comment va-t-on faire pour arriver à 12? Il faut trouver une combine. Et la combine, c'est en effet de considérer la maison de Joseph, c'est-à-dire de partager Joseph en deux, car selon la Genèse, Joseph a deux fils, Éphraïm, Manassé, qui correspond évidemment aussi à des régions dans le nord d'Israël. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour obtenir le chiffre 12. Lévi à part, et pas Joseph, mais à la place de Joseph, vous avez Éphraïm et Manassé. Alors, je vous ai mis des couleurs différentes. Ce qui est en noir, selon la Genèse, ce sont les fils de Léa, donc la première femme de Jacob. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez. Sans ça, vous allez la relire. Oui, quand même. Donc ça, c'est les fils de Léa, sauf évidemment Lévi. Lévi qui est traité à part. Ensuite, ce que vous avez en bleu, ce sont les deux fils donc de la servante de Rachel, Bilha, qui l'avait remplacée puisqu'elle a été stérile longtemps. Ensuite, en vert, les fils de Tzilpa, qui elle est la servante donc de Léa, qu'elle avait aussi donc mise à contribution. Et finalement, en rouge, alors les fils donc de Rachel et le petit-fils de Rachel, à savoir Éphraïm et Manassé, qui sont le fruit de l'union de Joseph et de Asenet. Alors, si vous regardez un peu ces tableaux, vous voyez que l'ordre ne correspond pas vraiment à celui des naissances tel qu'il est décrit dans la Genèse. Il ne correspond pas tout à fait non plus à un regroupement par mère. En Genèse 35, qui est un texte sacerdotal, on regroupe en fait les tribus selon leur mère. Pourquoi il y a ces différences? On les aurait presque si on n'avait pas Gad qui se met là entre Siméon et Judas. On aurait presque une sorte de regroupement par mère, donc c'est assez proche, mais pas tout à fait la même chose. Et pourquoi? Il faut lire le chapitre 2. Parce que, en effet, dans le chapitre 2, les tribus sont en effet organisées par trois, groupées autour du sanctuaire, et donc un peu comme un camp militaire, je reviendrai là-dessus. Et le fait qu'on a mis en fait Gad en troisième position permet à Juda, en quatrième position, de prendre en fait la tête. Donc là, vous avez Rouben, Siméon, Gad. Ça, c'est les premiers trois. Et ensuite, on a Juda, Issachar et Zabulon, qui sont le deuxième groupe et qui est donc organisé à l'est. Et c'est eux qui vont partir le premier lorsque le camp se met en marche pour traverser le désert. Donc c'est d'une manière subtile, en fait, de faire monter Juda, qui, évidemment, n'est pas du tout le premier-né, mais c'est une manière de faire avancer Juda, d'une certaine manière, à la première place en ce qui concerne l'ordre de marche. Bon, maintenant, ça devient compliqué. Alors, le chiffre de 603 550, ça, c'est le total qui est donné pour ceux qui sont recensés en nombre 1. Alors, ce n'est pas tout le peuple. Donc, qui est recensé au nombre 1? C'est déjà la même chose en Exode 38, où vous avez déjà le même chiffre. En fait, on a recensé les hommes adultes à partir de l'âge de 20 ans. En Exode 38, c'était en fait pour pouvoir les taxer, pour qu'ils chacun donne une sorte de taxe ou contribution pour le sanctuaire. Et là déjà, on a ce recensement avec exactement le même chiffre, ce qui a fait penser déjà aux commentateurs juifs, Rashi et Nachmanide, qu'il devait s'agir en fait du même recensement, parce que c'est quand même curieux de faire deux recensements et de tomber exactement sur le même montant. Hein ? Donc probablement, en effet, l'auteur de Nombre 1 a repris ce chiffre de Exode 38. Donc il connaissait ce chiffre et il l'a repris. Ensuite, il devait évidemment ce que celui de 38 ne fait pas, trouver pour chaque tribu encore un autre nombre pour que ça devienne un valeur de nombre total de 603 550. Alors, évidemment, première chose qu'on peut dire, 603 550 fait penser à quoi ? Ça fait penser à une tradition qu'on trouve notamment dans le livre de l'Exode, où on dit au moment où les Hébreux quittent l'Égypte, les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, environ 600 000 d'hommes aptes à la guerre. Ou encore une fois, donc au nombre 11, ils comptent 600 000 fantassins, ce peuple au milieu duquel je me trouve. Donc ça, c'est le chiffre rond qui a certainement inspiré le chiffre plus précis de 603 550. Alors, première observation qu'on peut faire, c'est quoi ? Que ça fait beaucoup de monde. Parce que, comme je vous ai dit, c'est que des hommes adultes, donc pères de famille. Alors, à l'époque, un père de famille, bah, il a au moins 5-6 personnes sous sa responsabilité. Donc, ça nous fait un peuple de plusieurs millions qu'il faut imaginer qu'on pond dans le désert. Même assez difficile. Alors, vous savez, les exégètes, ils ne manquent pas d'idées. Donc, certains ont en effet proposé de voir les choses différemment, et pas de prendre ça comme un nombre, mais de prendre le mot élève, élève qui veut dire normalement mille. Hein. Ils ont dit, mais là, élève, ça ne veut pas dire mille, c'est plutôt une sorte de tente, troupe, contingent. Donc, je vous donne un exemple. Donc, le premier nombre qui donnait pour Ruben, 46 500, il ne faudrait pas le comprendre comme ça, il faudrait le comprendre comme 46 élèves, c'est-à-dire 46 contingents, totalisant 500. Donc, ça veut dire un de ces élèves serait toujours entre 9 et 11 personnes. Et donc, du coup, évidemment, on arrive à des chiffres beaucoup plus bas. Donc du coup, si on calcule comme ça, on aurait pour le premier recensement 5500 personnes, donc avec 590 contingents. Et pour le deuxième, 596 contingents, faisant 5730 personnes. Est-ce que c'est mieux ? Si on a une lecture historicisante, si on pense que ça a été vraiment noté par quelqu'un qui était là et qui avait assisté au recensement, évidemment, c'est plus satisfaisant, encore que ça fait aussi du monde. Mais il y a un problème quand même de grammaire, parce que le LF est clairement ici utilisé comme 1000, parce qu'après le LF, on a toujours un vœu qui rajoute en fait la deuxième partie du nombre. Donc il faut vraiment faire violence au texte et décréter que ça ne peut pas être ça pour changer le texte. Donc je pense qu'il faut laisser le texte tel qu'il est. Pas trop de choix. D'ailleurs, c'est un texte qui est assez stable d'une certaine manière, parce que même dans la Septante, c'est les mêmes nombres. Alors, si on veut donner une valeur autre qu'une valeur statistique à ces nombres, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On peut imaginer, ce que vous connaissez peut-être, la gématria. Qu'est-ce que c'est la gématria ? La gématria, c'est quelque chose qui va être très populaire, surtout dans la Kabbale, mais pas seulement. C'est l'idée que chaque lettre de l'alphabet hébraïque a aussi une valeur numérique. Et donc, on pourrait voir derrière des nombres, si on les transpose en lettres, peut-être des mots secrets. Dans la Bible, il n'y a pas tellement de cas très clairs. Il y a un cas quand même qui marche assez bien. Vous savez que en Genèse 15, Abraham a un serviteur. Un serviteur qui s'appelle Éliézer. Et au chapitre précédent, au chapitre 14, Abraham se trouve en guerre avec les rois de Babylone et puis beaucoup de gens aussi assez obscurs. Et là, on va dire, il va partir en guerre avec 318 serviteurs. Pourquoi 318? Alors là, ça marche assez vite parce que le valeur numérique de Éliézer, hein, si vous prenez chaque lettre qui constitue le nom, vous le transposez en chiffres, alors vous arrivez en effet à 318. Et après, c'est vrai que dans le judaïsme, on s'est amusé en fait à spéculer autour de ces valeurs. Alors, est-ce que ça marche pour nombre 1 ou 26? Au nombre 1, Dieu dit à Moïse et à Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des fils d'Israël, Rosh, donc ce ou et Rosh, Kol, Adat, Bene, Israël. Alors, si on prend Rosh, Kol, hein, donc la tête de tout, on a donc 551. Et si vous prenez Bene, Israël, je vous l'ai présenté là, vous avez 603. Donc vous avez 603, 551. Il y en a un de trop. Bon, alors après, on peut dire c'est Moïse, parce qu'il n'est pas compté là-dedans. Vous pouvez aussi prendre, non pas Rosh Kol, mais vous pouvez prendre Kol et Dat, donc la totalité de l'assemblée. Alors à ce moment-là, vous trouvez en effet le chiffre exact de 603 et 550. Le problème avec cette théorie, c'est lequel? Le problème avec cette théorie, c'est que ce n'est pas la totalité des fils d'Israël. Pourquoi ce n'est pas la totalité des fils d'Israël? Parce que, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, si vous prenez encore une fois le tableau, dans cette totalité, il manque Lévi. Donc, ce n'est pas la totalité des fils d'Israël. Donc, du coup, ce 603-550 ne peut pas, à mon avis, être ça. Puisque, après, dans les chapitres qui viennent, on va en effet avoir un recensement très complexe et très compliqué des Lévites. Je ne veux pas aller dans tout le détail. Les Lévites, en fait, sont censés en fait, se substituer, selon la théorie des nombres, au premier-né d'Israël, parce qu'il y a une loi qui dit « chaque premier-né doit être consacré à Yahvé ». Et on va en fait considérer que pour accomplir cette loi, c'est la tribu des Lévites en fait, qui est consacrée dans son ensemble au service de Yahvé. Et donc, il rachète d'une certaine manière les Israélites. Alors donc, on arrive à un total de 22 030, alors que nombre 3 indique plutôt 22 000, et ce qui dépasse en fait d'une certaine manière des 273 par rapport au rachat que les Lévites doivent faire. Donc pour ça, il faut d'abord ensuite compenser. Après, on a d'autres comptes des Lévites entre 30 et 50 ans, c'est-à-dire c'est ceux qui sont en service. Et finalement, au nombre 26, on donne encore une fois un autre chiffre pour les Lévites qui augmente aussi légèrement à 23 000. Donc, ça veut dire que cette gématria qui interprète les 603 550 dans le sens que c'est toute l'assemblée des fils d'Israël, bah, ça marche au niveau du chiffre, mais c'est peut-être pas tellement l'idée puisque les Lévites, ben voilà, ils sont comptés en plus, donc il faudrait certainement les rajouter d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas toute l'assemblée. Alors, qu'est-ce que ça peut être? D'abord, faisons un petit détour et rappelons que, en fait, le décompte que vous avez au nombre 1 et au nombre 26, c'est un décompte, en fait, qui considère des hommes capables à prendre les armes. Si nous partons de l'hypothèse que c'est un texte récent, et si nous prenons en considération ce que nous savons des recensements de l'armée perse, alors là, ça devient intéressant, puisque nous avons plusieurs auteurs antiques, Hérodote, Strabon et d'autres, qui nous renseignent sur l'armée perse, en disant par exemple que le service militaire commençait chez les Perses à 20 ans. Et comme par hasard, au nombre 1, c'est les Israélites à partir de l'âge de 20 ans. Ensuite, on apprend aussi chez Clitarque d'Alexandrie que l'armée perse aurait été organisée en 12 unités, comme les 12 tribus. Et si vous prenez ce texte de Hérodote, c'est un texte qui est quand même très intéressant. Parce qu'on va lire que, donc il décrit en fait le camp des Perses, comme ils se mettent en marche, et le signal du départ est donné par une trompette. Si vous avez bien lu Nombre 10, il y a aussi la trompette qui se met à sonner au moment du départ. Ensuite, au-dessus de la tente du roi, brillait l'image du soleil et le feu. Et pensez à la colonne du feu que vous avez en nombre 10. Après, un char consacré à Jupiter, donc Ahura Mazda, probablement, puisque c'est un auteur romain qui nous parle là. Et pensez à ce que nous avons, en fait, en nombre 10, par rapport à l'arche, et donc la cavalerie des 12 tribus. C'est quand même beaucoup des choses pour être simplement dues au hasard. Donc je pense en effet que l'auteur des premiers chapitres et des Nombres a voulu représenter l'armée de Yahvé avant la conquête à l'image de l'armée perse. Ce que je vous ai dit aussi, cette idée que les tribus s'organisent en unité de trois autour d'un camp, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans les autres livres du Pentateuch. Donc l'idée peut venir de là. Et puis on observe aussi qu'il y a une tendance à augmenter les nombres. Vous voyez ça dans les livres des chroniques, qui sont plus récents que les livres des rois, où là aussi, tout d'un coup, l'armée judéenne devient plus grande que l'armée des Perses. Même déjà dans les textes assyriens. Par exemple, dans un texte, Sennacherib, quand il fait sa campagne dans le Levant, il se vante d'avoir fait 200 150 prisonniers à Jérusalem, alors que Jérusalem, à cette époque, a peut-être 20 000 habitants. Et ce qui est intéressant, et ça rappelle aussi un tout petit peu les nombres, c'est que c'est aussi un chiffre qui n'est pas un chiffre rond, un chiffre qui semble être très précis, mais c'est peut-être un peu le souci de faire vrai. Donc, au lieu de dire 200 000, je vais dire un truc un peu plus précis, et ça donne l'impression, ça devient plus vrai. Idem, Hérodote qui nous dit que l'armée perse aura eu plus qu'un million d'hommes. Alors, vous imaginez une armée avec un million d'hommes qui se met en marche. Donc, on a cette tendance, donc, certainement, aussi dans Nombre 1 et 26. Alors, de nouveau, on peut revenir au fait que ça tourne autour de ce chiffre de 600 000 qui est probablement connu par l'auteur, qui lui vient probablement de la tradition sacerdotale et qui, évidemment, aussi est au service d'un message théologique. C'est d'abord pour montrer que les promesses de multiplication qui ont été données à Abraham, Isaac et Jacob lorsqu'on disait « ta descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer ou que les étoiles au ciel », que ça commence à s'accomplir, encore qu'on peut encore les compter, selon le livre des Nombres. Mais En effet, si nous reprenons les textes de la Genèse, mais aussi en Deutéronome, on dit que lorsque Jacob descend en Égypte, sa famille compte 70 personnes. En Genèse 15, Dieu, dans une sorte de vision prophétique, dit à Abraham que sa descendance sera 400 ans en Égypte. Alors 400 ans, c'est pas tout à fait la théorie qu'on a dans le livre de l'Exode, parce qu'on a l'impression que ça se passe très vite, qu'il y a juste deux pharaons qui se succèdent. Hein. Mais là, 400 ans. Alors 400 ans, c'est quoi? Pour dire de nouveau, si on prend les nombres, ça pourrait être 10 générations, si on prend comme moyenne d'une génération 40 ans. Hein. 40 ans dans le désert, la mort d'une génération. Alors du coup, si vous pensez encore à Nombre 23, où le prophète moabite Balaam prononce cette question, qui peut compter la poussière de Jacob et les dizaines de milliers d'Israël? Alors si vous multipliez 70 par 10 000, vous arrivez à 700 000. Donc, et puis si vous le comptez divisé par 12 pour avoir la place encore pour Lévi, vous arrivez à quelque chose de 640 000. Alors est-ce que c'est des calculs comme ça? Possible. Comme je suis très nul en mathématiques, je suis allé voir sur Internet qu'est-ce qu'on peut dire sur le chiffre 603 550. Et il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que c'est un nombre qui est divisable par 12 autres nombres. Et comme il y a 12 tribus, on peut quand même se poser la question si c'est un simple hasard ou si on n'avait pas là quelqu'un qui a fait des études de mathématiques à Babylone. C'est possible. C'est tout à fait possible. Je vais vous donner encore quelques d'autres indications. Je pense que ce n'est pas par hasard que 603 550 peut être divisé par 12 autres nombres comme les 12 tribus. Alors, on peut aussi évidemment s'intéresser à ce qui se passe entre le premier et le deuxième recensement, hein, parce que là aussi, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Il y a des tribus qui deviennent plus importantes, il y a des tribus qui perdent beaucoup. Hein. Alors d'abord, quand on regarde les chiffres, ben, on voit quand même que Juda, dans les deux cas, est la tribu la plus importante. Hein? Donc ça, c'est clair. Maintenant, si vous prenez Ephraim et Manassé ensemble, vous arrivez à peu près au même chiffre. Hein? Et alors, si de nouveau on est dans l'époque perse, hein, si Ephraim et Manassé symbolisent la province de Samarie, où il va y avoir un sanctuaire yahviste, et si le Pentateuque est justement ce compromis entre la Samarie et Jérusalem, ben on pourrait se dire que on a une certaine volonté de mettre Juda, Ephraim et Manassé sur le même niveau. Alors, on peut aussi penser, en effet, à Caleb et à Josué, hein, qui sont en effet les deux des espions qui, contrairement à leurs collègues, sont tout à fait d'accord de se mettre en place pour la conquête. Et donc, du coup, Juda a beaucoup de monde. Alors, pour Ephraim, c'est un peu difficile parce qu'Ephraim semble perdre, mais dans la deuxième partie, il y a une confusion apparemment entre Ephraim et Manassé, parce que Manassé est mis avant Ephraim. Donc probablement, il faudrait plutôt penser à 50 700 pour Josué. Donc du coup, on pourrait aussi mettre cela en rapport avec cette histoire. Et puis finalement, la tribu qui fait une chute dramatique, une tribu qui n'a jamais existé, c'est une tribu inventée, la tribu de Siméon, hein, bah, c'est certainement lié à l'histoire de Nombre 25, puisque c'est justement un descendant de Siméon qui provoque la colère et le fléau, puisqu'il a couché avec une femme madianite, et à la suite de cela, en fait, un grand fléau va s'abattre sur les Israélites. Donc, je pense qu'on peut en effet aussi s'intéresser aux différents changements qui interviennent dans l'importance ou la chute de certains tribus, qui certainement a aussi ses raisons. Mais pouvoir, jusqu'à maintenant, pouvoir expliquer chaque nombre, c'est très difficile. Je pense, le 603-550, ça peut venir des spéculations mathématiques, et après, il fallait y faire figurer les 12. Alors, on peut peut-être aller encore un tout petit peu plus loin, si vous avez encore le courage de me suivre. On peut penser à l'astronomie. Parce que les Babyloniens étaient forts en mathématiques, ils étaient aussi forts en astronomie. Et donc, si on part de l'idée que l'auteur de nombre 1, c'est quelqu'un qui a fait ses études à Babylone, ou qui a eu peut-être un père qui a fait ses études à Babylone lors de l'exil, ben, on peut penser en effet qu'il y a quelques influences. Donc, on a déjà vu 600, alors ça, c'est pas un problème, 600 000, c'est 12 fois 50 000. Mais ce qui est intéressant, en effet, aussi, c'est, comme l'a observé Michel Barnouin, c'est la plupart des chiffres reflètent en fait un système sexagésimal, hein, et pas en 10. Un système en 6, hein, qui est typique justement des mathématiques babyloniennes. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, que donc, par rapport à ces 50 000 qui ont fait le 12e de 600, dans les deux recensements, il y a 6 tribus qui sont au-dessus et 6 tribus qui sont au-dessous. Donc ça aussi, c'est probablement pas simplement un hasard. Les 12 tribus, si on fait maintenant un peu la spéculation astronomique, bah, c'est évidemment aussi 12 mois. Zodiaque, si vous voulez. Premier total de Benjamin, si vous laissez du côté les zéros, 354. Hein, 35 400, donc M. Barnouin pense en fait qu'on peut laisser les zéros, zéros de côté. 354, bah, c'est l'année lunaire, qui est important pour les Babyloniens. Et dans l'offrande qui est en lien avec le premier recensement en 38, on dit en effet qu'il faut offrir pour le sanctuaire 29 talents et 730 cycles, shekels si vous voulez. Alors 29, un mois lunaire, 730, deux fois 365. Donc l'année solaire qui se divise, donc je suis simplement... Je ne suis pas souscrit à tout ça, donc je vous présente l'hypothèse. 365 qui se divise en trois semestres de 91 et un quatrième semestre de 92. Et puis, en nombre 3, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 273 personnes à racheter, premier-né, et ça fait justement trois semestres à 80 ans jour. La différence entre les deux recensements, donc ce qui change au niveau du chiffre, est de 1820, ce qui pourra faire 20 fois 91, donc 20 fois les trimestres de l'année solaire. On peut encore aller plus loin. Il y a deux nombres qui sont attestés de manière identique, mais pour des tribus différentes. 405, donc toujours en laissant du côté le 2 zéros à la fin, hein, 405 apparaissent deux fois, une fois pour Manassé, une fois pour Gad, et 534, une fois pour Nephtali, une fois pour Asher. Bon. Et si, mais il faut le faire, si on les ajoute au chiffre de base, qui est 6000, toujours sans les zéros, on arrive à 6939. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai appris aussi, je ne savais pas que ça existe. C'est le cycle de Méton. Mettons un astronome de l'Antiquité qui avait remarqué que 19 années solaires correspondent à 535 mois lunaires, c'est-à-dire 5039 jours. Bon, est-ce que tout ça est convaincant? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce qu'il y a beaucoup de... Il trouve encore aussi des années de Vénus et tout ça, mais le problème, c'est que c'est très sélectif. C'est très sélectif. Hein. Et donc, il va aussi chercher, justement, dans Exode 38. Et puis, il n'a pas, jusqu'à maintenant, j'ai suivi toutes ses publications, c'est un homme qui est passionné par son idée, mais il n'a pas donné l'explication pour chaque chiffre. Et donc, là, la clé de lecture semble quand même un tout petit peu difficile. Si c'était évident pour chaque chiffre, alors, sans problème. qu'il y a un peu de spéculation mathématique, ça, je pense tout à fait. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer à l'ensemble des nombres qui sont présentés ? Je serais prudent. Alors, on peut avoir une attitude un peu prudente, comme l'a aussi Jacob Milgrom, qui dit en fait que l'auteur, peut-être, en effet, était influencé par le savoir mathématique et astronomique des Babyloniens et voulait identifier les 12 tribus, d'une certaine manière, avec l'armée céleste de Yahvé, qui, dans les textes anciens, est en effet constituée des astres, des planètes, etc. Donc, pour résumer, je dirais, l'auteur s'est sans doute inspiré d'un calcul mathématique, donc je pense que c'est quelqu'un qui connaissait les mathématiques, qui a peut-être en effet inventé les 603 550 à partir du chiffre de 600, en cherchant un chiffre divisable sur de 12 autres nombres, et ça, ces choses-là, les Babyloniens le savaient. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il a sans doute aussi voulu suggérer des prééminences et des chutes par rapport à certaines des tribus, et peut-être aussi montrer en fait que derrière ce recensement, il y a en effet le recensement connu dans l'Antiquité de l'armée perse, mettant ainsi Israël dans le désert au même niveau que la grande armée du grand roi perse. Donc je pense que c'est ce qu'on peut dire sur ces chiffres. Et France Culture vous présente l'exégète philologue Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui le livre des nombres, les deux recensements du peuple et le rituel de la femme adultère. Alors venons maintenant à ce rituel qui concerne la femme adultère. Donc ce rituel, en fait, se trouve dans ce que je viens vous montrer, dans les suppléments à la loi, entre 5, 1 à 10, et la loi sur le nazir, qui est quelqu'un qui se consacre à Yahvé et qui, d'une certaine manière, se trouve aussi aux marges de la communauté. Ce rituel est lié en fait au rituel ou au texte qui les entoure par des mots-clés. Un mot-clé, c'est tamé, tamé qui veut dire impur ou impureté. Ça, c'est un mot qu'on trouve en effet dans le passage qui précède, où les questions des personnes qui, pour toutes sortes d'impuretés, doivent s'éloigner du camp, mais aussi dans l'histoire du nazir, au chapitre suivant, dont on va dire là, lorsque il va être en contact avec un cadavre, il devient impur, il doit donc interrompre sa situation de consacré et se reconsacrer à nouveau. Donc c'est un peu ce que Martin Buber avait appelé les Leitwörter, les mots-clés, qui souvent structurent des ensembles bibliques. Donc ça, c'est une très bonne observation. Vous voyez que beaucoup de passages de la Bible sont en fait liés entre eux par des mots-clés, qui n'ont pas forcément le même sens dans toutes les utilisations, mais qui font une certaine cohérence. On peut aussi observer quelque chose de similaire pour la racine « ma'al », qui veut dire être infidèle, et qu'on trouve donc aussi déjà au chapitre 5, et ensuite deux fois donc dans notre passage. Donc nous avons en effet là clairement un texte qui se veut un complément aux lois sur l'adultère. Donc l'adultère, en effet, c'est un problème important dans les cultures du Proche-Orient ancien, pas seulement dans les cultures du Proche-Orient ancien. Alors bon, on peut citer le Décalogue, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, à l'époque ? Alors, le fait que ça se trouve dans le décalogue montre en effet que cet interdit est un interdit tout à fait fondamental, puisque le décalogue est une sorte de résumé de ce qui fait en fait l'essence même de toute la législation Sinaï. Ça, c'est clair. Mais il ne s'agit pas en fait en premier lieu d'une question d'éthique sexuelle. C'est beaucoup plus une question juridique, une question d'identité, une question politique, tout ce que vous voulez. Donc, il faut vous rappeler que, évidemment, ces textes ont vu le jour où l'homme est en effet considéré comme étant le propriétaire de la femme. D'ailleurs, il y a le terme. Donc, l'homme, quand il se marie à une femme, il devient son Baal. Baal, c'est le maître et le seigneur. Et la femme qui est épousée, elle devient une baoulat. On ne peut même pas traduire, c'est le participe passif. Celle qui est possédée, non pas possédée, non. Celle qui a un propriétaire, vous comprenez l'idée. Donc. Et donc, l'adultère, ce qu'on appelle nous l'adultère, c'est surtout une atteinte à la possession d'autrui. Donc, si un homme va voir une prostituée, couche avec elle, ce n'est pas un adultère. Vous connaissez l'histoire de Judas, en Genèse 38. Ce n'est pas un problème. Le problème se pose lorsque, en fait, vous couchez avec une femme mariée. Et la sévérité des lois que je vais vous présenter tout de suite, la sévérité de ces lois, en fait, s'explique par plusieurs raisons, mais par deux raisons principales. Le premier, justement, c'est cette idée, en fait, on ne peut pas porter atteinte à la propriété d'autrui. Donc même, vous allez le voir tout de suite, vous allez coucher avec une femme qui n'est pas mariée, s'il n'est pas fiancé, si vous êtes d'accord de l'épouser, c'est bon aussi. Et on ne demande pas tellement l'avis à la femme, évidemment. Mais peut-être la deuxième raison, peut-être c'est ça la raison la plus, et puis qui est aussi en quelque sorte derrière le texte que nous allons voir, la deuxième raison, c'est une angoisse très masculine, surtout en absence de test de DNA. Comment un homme qui voit sa femme enceinte, comment il peut être sûr que l'enfant est de lui? Aujourd'hui, on peut faire des tests. À l'époque, c'était difficile. Donc, chaque grossesse de la femme était un moment d'angoisse. Bon, ça dépend après des caractères, sans doute. Mais on peut imaginer, de ce que je vais vous présenter au nombre 5, que c'était quand même un moment difficile pour l'homme. Ça dépend aussi, évidemment, de toutes sortes d'autres relations. Mais, donc, d'où l'idée de sanctionner ce qu'on appelle, nous, adultère, de manière très forte, pour justement éviter de telles angoisses, qui étaient sans doute pas fondées. Et si vous regardez le livre du Deutéronome, vous avez, au chapitre 22, toute une série des lois qui, en partie, s'inspirent du Proche-Orient ancien, mais parfois sont encore plus radicales que les textes que nous avons dans les lois assyriennes ou dans le code de Hammurabi. Donc là, il y a un premier cas. C'est un homme qui s'est marié et qui est allé, donc il a couché avec elle et qui ne l'aime pas. Ça veut dire quoi, qu'il ne l'aime pas? Ce n'est pas de nouveau un sentiment, c'est une sorte de, de rejet de la femme parce que il trouve qu'elle n'est pas vierge. Donc, elle n'a pas le signe de la virginité. Et donc, c'est ensuite à la famille. Ça, c'est des coutumes que vous connaissez peut-être encore aujourd'hui dans certaines régions du monde. Il faut prouver après la nuit nuptiale que la fille a été vierge. Alors, si ils peuvent le prouver, l'homme doit payer une compensation. Mais si on ne peut pas le prouver, donc si on peut avoir un soupçon que la fille n'a pas été vierge, elle est tuée sous le coup. Donc vous voyez, il n'y a pas d'égalité là de traitement. Et puis, contrairement à des lois assyriennes, c'est la famille de la femme qui va prouver, en fait, qui va fournir, sous soupçon du mari, les preuves du fait que le mari s'est trompé. Après, vous avez d'autres cas, dont le verset 22, qui a un parallèle dans le livre du Lévitique. Quand un homme couche avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort, l'homme adultère, aussi bien que la femme adultère. Donc là, les deux, en fait, là, il y a traitement égal pour un adultère qui est découvert en flagrant délit. Il faut vous imaginer quelqu'un d'autre dans la tente, ou je sais pas. Voilà. Alors, avec la mise à mort des deux. Là, si vous prenez le code d'Hammurabi, c'est un peu plus... Bon, évidemment, c'est pas apprécié. On dit, si l'épouse d'un homme a été prise alors qu'elle couchait avec un autre mâle, on les liera et on les jettera à l'eau. Bon, même chose. Mais, si le propriétaire de l'épouse fait grâce à son épouse, ben, le roi graciera aussi son serviteur, c'est-à-dire probablement l'homme adultère. Donc ça veut dire que contrairement au texte biblique, le code Hammurabi prévoit en fait la possibilité d'un pardon, également dans les lois assyriennes. Et puis, un dernier cas où la femme est prise de force, où il s'agit de viol en fait. Et là, on va faire une distinction entre une jeune fille vierge fiancée, donc déjà promise à quelqu'un, et une jeune fille non fiancée. Si la jeune fille vierge est non fiancée, bah c'est très simple, comme je vous disais. Si l'homme qui a couché avec elle la prend comme épouse, il n'y a pas de problème. Il paye une petite compensation dot au père de la fille, et puis il la prend comme épouse. Alors, pour une fille vierge fiancée, c'est différent. Donc, si ça se passe dans la ville, les deux sont mis à mort. Si c'est à la campagne, bah, la fille est épargnée parce que, on peut se dire, elle a crié, personne ne l'a entendue. Dans la ville, on va dire, c'est pas possible parce que dans la ville, même si, donc si vous criez, quelqu'un va. Évidemment, c'est un village, mais bon, ce qu'on a traduit par ville. Alors, par contre, les lois assyriennes, là aussi, sont plus soft, d'une certaine manière, parce qu'ils admettent aussi qu'on peut crier dans la ville, et là aussi, la fille, de nouveau, est épargnée. Donc, ça vous montre, en effet, que les textes bibliques sont devenus plus durs que les textes babyloniens, assyriens, qu'il y a un durcissement. Un durcissement vraiment très fort, évidemment toujours au détriment de la femme. Et c'est dans ce contexte-là que nombre 5 joue un rôle tout à fait intéressant et important. Parce que c'est un complément un peu subversif quand même. Donc on va regarder ensemble le texte. C'est un texte assez curieux, mais qui, d'une certaine manière, veut un tout petit peu, me semble-t-il, désamorcer certaines des prescriptions du Deutéronome. C'est aussi un peu dans ce sens-là que le judaïsme l'a compris. Alors, regardons ce texte. Yahvé parle à Moïse, parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, si un homme dont la femme s'est détournée et lui a été infidèle, et un homme a couché avec elle, littéralement, une couche de semences, donc à coucher avec elle jusqu'à l'éjaculation, donc qu'il y a possibilité de grossesse. Et cela a été caché aux yeux de son homme, son mari. Elle s'est dissimulée, elle s'est rendue impure, mais il n'y a pas de témoin. Donc il n'y a pas de témoin contre elle. Elle n'a pas été prise. Et alors un esprit de jalousie passe sur lui, donc sur le mari, et il devint jaloux de sa femme, alors que celle-ci s'est rendue impure. Ou bien, un esprit de jalousie passe sur lui, alors que celle-ci ne s'est pas rendue impure. Donc, vous voyez, il y a deux possibilités. Alors, dans les deux cas, ça c'est moi qui rajoute, l'homme amènera sa femme au prêtre et il apportera un don pour elle, à son sujet. Un dixième d'épha de farine d'orge, c'est 2 litres. Il n'y versera pas d'huile, n'y mettra pas d'encens. En effet, c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir rappelant une faute. Le prêtre la fera approcher et il la placera devant Yahvé. Le prêtre prendra des eaux saintes. Alors là, qu'est-ce que c'est des eaux saintes? La Septante, le texte grec parle des eaux pures, d'autres des eaux d'un bassin, on reviendra là-dessus. Donc les eaux saintes dans un vase d'argile, et le prêtre prendra de la poussière qui se trouve sur le sol de la demeure, du sanctuaire ou de l'autel, dit le Syriaque, et il la mettra dans les eaux. Le prêtre placera la femme devant Yahvé. Il déferra les cheveux de la femme, littéralement de la tête. Il posera dans ses mains, les mains de la femme, le don du souvenir, c'est-à-dire le don de la jalousie. Et dans la main du prêtre seront les eaux amères. Donc les eaux saintes sont devenues les eaux amères. Le Pentateuque samaritain parle plutôt des eaux qui éclairent, hein, donc qui sont des eaux un peu du jugement. La Septante un peu similaire, des eaux de reproche, provoquant une malédiction. Hein, provoquant une malédiction où, alors là, de nouveau, le Syriaque a ici éclairant, comme dans les autres versets. Le prêtre fera prêter serment à la femme et lui dira « Si aucun homme a couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné, impureté sous ton mari, vous comprenez ce que ça veut dire, impureté sous ton mari, sois innocente par ces eaux amères provoquant une malédiction. Mais si tu te détournais sur ton mari, et si tu t'es rendu impur, et si un homme a couché avec toi, autre que ton mari, et ça s'interrompt, et puis le prêtre fera prêter serment, donc ça fait un peu une coupure, le prêtre fera prêter serment à la femme par un serment de malédiction, le prêtre dira à la femme que Yahvé te livre à la malédiction et au serment au milieu de ton peuple, lorsque Yahvé fera que ton appareil génital dépérisse et que ton utérus soit enflé. Bon, il faut regarder ces termes qui sont compliqués, mais à mon avis, c'est grosso modo ça. Ces eaux provoquant une malédiction entreront dans tes entrailles pour faire enfler ton utérus et pour faire dépérir ton appareil génital. Et la femme dira, pardon, amen, amen. Elle n'a pas beaucoup de choix, elle n'a pas beaucoup de choix. Et le prêtre écrira, et encore autre chose, le prêtre écrira ses malédictions dans un rouleau et les effacera dans les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères, provoquant la malédiction, et entreront en elle les eaux provoquant la malédiction au vu de l'amertume. Et le prêtre prendra de la main de la femme le don de la jalousie. Il présentera, en l'élevant le don devant Yahvé, il la fera approcher, donc la femme, vers l'autel. Le prêtre prélèvera du don son azkara, c'est-à-dire la partie qu'on va brûler. Il la brûlera sur l'autel. Après, il fera boire les eaux à la femme. Si vous vous souvenez, il a déjà fait boire la femme. Il lui fera boire l'eau. Alors, il arrivera, la chose suivante, si elle s'est rendue impure, c'est-à-dire si elle a été infidèle à son mari, alors entreront en elle les eaux provoquant la malédiction en vue de l'amertume, son utérus enflera, son appareil génital dépérira et cette femme deviendra une malédiction au sein de son peuple. Et si la femme ne s'est pas rendue impure, mais si elle est intègre, elle sera innocentée et littéralement, elle sera ensemencée de semences en hébreu. Donc, soit l'homme couche de nouveau avec elle ou qu'elle reste féconde. Et conclusion, c'est la Torah concernant la jalousie. Lorsqu'une femme se détourne de son mari et se rend impure, ou un homme sur lequel passe un esprit de jalousie, il devient jaloux de sa femme, il place la femme devant Yahvé, et pour elle, le prêtre exécute cette Torah. L'homme est innocenté d'une quelconque faute, mais cette femme portera sa faute. Voilà. Donc c'est en effet un texte assez curieux, mais très intéressant. Probablement un texte, si vous avez suivi, qui n'est pas fait d'un seul trait. Je vous montre juste quelques exemples. D'abord, ça c'est quand on regarde l'hébreu. Le terme qui est utilisé pour parler de l'esprit de jalousie, rouach, hein, rouach en effet, qui signifie l'esprit, l'orage, le vent, etc., il est construit au verset 14 au masculin, alors qu'au verset 30, le mot est construit au féminin. Alors c'est possible en hébreu, vous pouvez dire, mais si c'est un auteur, c'est quand même difficile d'imaginer qu'il utilise tantôt le féminin, tantôt le masculin pour la même expression. On voit aussi qu'il y a des interruptions, donc toi, si tu t'es détourné de ton mari, et un homme accouche avec toi, à l'exception de ton mari, alors que ces eaux provoquent une malédiction, donc vous pouvez très bien passer du verset 20 au 22, hein, alors que le 21 interrompt. Donc probablement, pourquoi il interrompt? Parce que on parle de Yahvé. Avant, on a l'impression que c'est une sorte de rituel magique, c'est les eaux, en fait, en elles-mêmes qui ont ce pouvoir de amener le jugement, alors que le verset 21 a sans doute été ajouté, hein, pour dire que l'auteur de tout ça, ce n'est pas les eaux amères, c'est bien Yahvé. Donc je pense en effet, ce qu'on peut dire, c'est que apparemment il y a deux rituels qu'on a combinés. Il y a un rituel où la femme prête simplement un serment, affirmant son innocence, et un rituel durant lequel il devait boire des eaux dites amères. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le code Hammurabi, vous avez aussi les deux cas. Hein ? Si l'épouse d'un homme, son mari l'a mise en cause, s'il n'a pas été surprise alors qu'il couche avec un autre mâle, elle prononcera le serment par le dieu, c'est tout, et elle retourne à la maison. C'est assez bien. Après, il y a une autre loi. Donc ça, c'est si l'homme la soupçonne. Par contre, s'il y a une sorte de rumeur publique, si l'épouse d'un homme a été montrée du doigt à cause d'un autre mâle, mais s'il n'a pas été surprise, alors qu'elle couchait avec un autre mâle, pour son mari, elle devrait plonger dans le fleuve. Alors ça, c'est moins drôle. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la suite, en fait, d'un serment et puis de ce qu'on appelle, nous, une ordalie. Hein ? Et c'est exactement ce que vous avez, en fait, à l'intérieur de nombre 5. Hein ? Vous avez, en effet, une sorte de combinaison d'un rituel de serment et d'un rituel impliquant l'eau. Non plus par l'immersion dans un fleuve, qui signifie, à mon avis, la mort, parce qu'on va les lier, hein, mais par la consommation d'un liquide. Donc on va essayer de voir un peu ce que ça peut être la prochaine fois, mais c'est sans doute quand même un peu inspiré de cela. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 2 mars 2017 la série de Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui les deux recensements du peuple et le rituel de la femme adultère. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Il a publié au Seuil « L'invention de Dieu » en 2014 et chez Bayard en 2016 avec Albert de Pury et Conrad Schmidt, L'Ancien Testament commenté, la Genèse. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Thomas Römer sa série intitulée Israël dans le désert. Il développera l'analyse du rituel concernant la femme adultère. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.